boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. On avance, on divise, on gère les distances. On recouvre les plaies, on tourne autour d'un corps à corps entre le vide et nos sens. On planifie nos existences, on récolte le blé. À toute allure, nous glisse sous les pieds. On érige des murs, on veut la liberté. Un écran plat dans la voiture. À la libre pensée, on prêche, on prie, on s'abandonne. Chacun sa vérité, et l'humanité comme une conne. Sale de l'éternité, sale de l'éternité, sale de l'éternité. Un petit goût de Noir Désir pour commencer notre pop and rock sur RVR, c'était les Stéphanois de 21 grammes que j'ai découvert grâce à Pierrot, que vous connaissez puisqu'il anime Puissance Metal tous les mercredis et tous les dimanches à 22h sur les ondes de RVR. Pierrot et son assos Coolos Rock, organisent une fois l'an une petite soirée rock et metal au diapason de Rouen et un des 4 groupes de cette année était 21 grammes. Vous avez aimé? Alors merci Pierrot et enchaînons vite toujours avec l'énergie de rock Acid Dad que j'ai découvert récemment dans mes promenades YouTube-esques. Five weeks, the wall always. Acid Dad, pas grand chose à vous dire pour le moment sur ce groupe, alors passons au programme de ce soir. Nous croiserons les routes d'habitués de pop and rock comme Johnny Marr, nous irons gratter quelques nouveautés avec notamment le nouveau superbe titre de Alt J, You and Me, nous rêverons avec des groupes récemment arrivés dans notre playlist comme London Grammar, et bien sûr nous recevrons avec tous les honneurs dus à leur rang, 3 Oldies but Goldies dans le cadre de l'unique triplette du soir, non je vous l'ai déjà dit, toujours pas celle de Belleville mais celle de pop and rock avec tout de suite donc Madness, on enchaînera Killing Joke et on terminera avec Joy Division. Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you've come in off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness! One step beyond! Pop and Rock sur RVR. Oh, Mais comme j'aime ces voyages temporels qui nous ramènent dans les 80s, même si le son de Joy Division qui achève cette triplette n'est pas top, mais l'important est de garder trace de tous ces groupes qui ont su nous faire danser, sauter et crier dans nos soirées étudiantes. Mais trêve de nostalgie parce qu'aujourd'hui, ce sont des groupes comme Manchester Orchestra qui viennent nous faire du bien, surtout quand les gars d'Atlanta nous offrent Virgin. Still want. Manchester Orchestra, groupe ricain au nom évoquant la capitale de la Britpop anglaise des années 90 pour un groupe pourtant bien ricain. Allez, il est temps de s'assagir pour découvrir notre première nouveauté du soir. Et là, on est bien chez les grands bretons avec Alt J qui, en février 2022, sortiront leur nouvel album dans lequel on pourra trouver You and Me, lancé ici en avant-première. On écoute You and Me, Alt J. Pop and Rock sur RVR, on adore Alt J mais on aime aussi London Grammar. London Grammar, le trio anglais de Nottingham vient d'illuminer notre heure pop and rockienne. La voix d'Anna Red, un feu de bois, un bon plaid et voyage assuré vers les étoiles d'une nuit noire d'hiver. Laissez-vous transporter et peut-être saurez-vous réveiller par une récente découverte de pop and rock venant d'Halifax, The Orioles. Thank you. The Orioles pour poursuivre notre voyage qui, à présent, nous emmène dans les bras de l'ex-guitariste des Smiths, Johnny Marr, avec Neutron Velocity. Thank you. Thank you very much. Bon, si je fais un retour sur le début de notre pop and rock de ce soir, il faut bien avouer que ce sont les grands bretons, nos plus gros fournisseurs. Eux qui ont fui notre commune Europe continuent pourtant d'être la mère nourricière de votre pop and rock, sauf peut-être quand le Brexit m'énerve un peu trop. C'est alors vers la Belgique que je me tourne et je pourrais y gratter parmi les albums de Deus, de Warhouse, des Intergalactic Lovers, de Guinzoo ou encore des Girls in Hawaii. Mais ce soir, c'est plutôt vers Balthazar qui, en cet automne 2021, a sorti Sand, duquel j'extrais rien que pour vous Moment, la bande à Martin et Ginte, Balthazar, rien que dans Pop and Rock sur RVR. Si vous avez aimé ce morceau issu du dernier album de Balthazar, foncez gratter, cherchez pour découvrir le reste de l'album des Belges de Courtrai. Par contre, si vous vous endormez en les écoutant, foncez sur les barjots de Ozzy's. The Dream. The Dream. Pop & Rock essaie de vous faire grandir, d'ouvrir vos oreilles bien trop encrassées par toutes les horreurs que vous envoient les médias pop. Chaque semaine, on essaie de vous offrir une alternative et on cherche de nouveaux sons, de nouveaux groupes. Et la semaine passée, on vous a proposé Teenage Fan Club et Royal Blood. Vous ne vous rappelez pas? Alors, session de rattrapage, on commence par les amoureux des 70s, Teenage Fan Club, qui seront suivis par des estampillés pop and rock, Royal Blood. I've been lost and lonely, and I've been thinking of you only. Your love can save me from the darkness that unfolds me. Pale imitation of the life I knew. I'm all for long for the loss of you. And now I don't know what I'm going to do. There's a bad moon. Lundi entre 17h et 18h, vous êtes bien sur Radio Val de Rhin dans Pop and Rock. Future. Une heure de rock, 0% de pub, rendez-vous hebdomadaire, c'est Pop and Rock sur RVR. On arrive à la fin et c'est les Black Keys de notre pote Dan Warbach qui vont clore notre parenthèse pop and rockienne. Alors rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Voices calling me, they get lost and out of town. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Disappear to